Jusqu'à présent, on lui avait passé beaucoup de choses, grâce à son caractère bonhomme. Son procès le classa parmi les gens tarés. Une solitude se fit autour de sa maison. Frédéric, par point d'honneur, crut devoir les fréquenter plus que jamais. Il loua une baignoire aux Italiens et les y conduisit chaque semaine. Cependant, ils en étaient à cette période où, dans les unions disparates, une invincible lassitude ressort des concessions que l'on s'est faites et rend l'existence intolérable. Madame Arnoux se retenait pour ne pas éclater, Arnoux s'assombrissait. Et le spectacle de ces deux êtres malheureux attristait Frédéric. Elle l'avait chargé, puisqu'il possédait sa confiance, de s'enquérir de ses affaires. Mais il avait honte. Il souffrait de prendre ses dîners en ambitionnant sa femme. Il continuait néanmoins, se donnant pour excuse qu'il devait la défendre et qu'une occasion pouvait se présenter de lui être utile. 8 jours après le bal, il avait fait une visite à M. d'Ambreuse. Le financier lui avait offert une 20aine d'actions dans son entreprise de houille. Frédéric n'y était pas retourné. Des Lauriers lui écrivait des lettres, et il les laissait sans réponse. Pellerin l'avait engagé à venir voir le portrait, il les conduisait toujours. Il céda cependant à Sisi, qui l'obsédait, pour faire la connaissance de Rosanette. Elle le reçut fort gentiment, mais sans lui sauter au cou, comme autrefois. Son compagnon fut heureux d'être admis chez une impure, et surtout de causer avec un acteur. Delmar se trouvait là. Un drame où il avait représenté un manant qui fait la leçon à Louis XIV et prophétise 89 l'avait mis en telle évidence qu'on lui fabriquait sans cesse le même rôle. Et sa fonction, maintenant, consistait à bafouer les monarques de tous les pays. Brasseur anglais, il invectivait Charles Ier. Étudiant de Salamanque, maudissait Philippe II. Ou, père sensible, s'indignait contre la Pompadour. C'était le plus beau. Les gamins, pour le voir, l'attendaient à la porte des coulisses. Et sa biographie, vendue dans les entr'actes, le dépeignait comme soignant sa vieille mère, lisant l'Évangile, assistant les pauvres, enfin, sous les couleurs d'un Saint-Vincent de Paul, mélangé de Brutus et de Mirabeau. On disait « Notre Delmar ». Il avait une mission. Il devenait Christ. Tout cela avait fasciné Rosanette. Et elle s'était débarrassée du père Oudry sans se soucier de rien, n'étant pas cupide. Arnoux, qui la connaissait, en avait profité pendant longtemps pour l'entretenir à peu de frais. Le bonhomme était venu, ils avaient eu soin tous les trois de ne point s'expliquer franchement. Puis, s'imaginant qu'elle congédiait l'autre pour lui seul, Arnoux avait augmenté sa pension. Mais ses demandes se renouvelaient avec une fréquence inexplicable, car elle menait un train moins dispendieux. Elle avait même vendu jusqu'au cachemire, tenant à s'acquitter de ses vieilles dettes, disait-elle. Il donnait toujours, elle l'ensorcelait, elle abusait de lui, sans pitié. Aussi, les factures, les papiers timbrés, pleuvaient dans la maison. Frédéric sentait une crise prochaine.